Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. The year is 2076. The world as we know it has been taken over by machines, driving humans to the brink of extinction. Earth's salvation is left to a man made half flesh and half robotics. We call him the superhuman. Cette semaine au Mathieu Planche Show. Dans Television, Amazon utilise le public de Twitch comme focus group pour de nouvelles émissions de télé. Pour bien cibler le public de Twitch, il va y avoir une émission de cuisine avec du Mountain Dew puis des crottes de fromage. Dans le segment Geeks et Licks, un adolescent pirate le site internet du président pour retarder ses examens finaux. Il aurait essayé de repousser le début des cours à l'UQTR pour qu'on puisse finir la construction sur le campus. Et dans Merci Science, pourquoi le sommeil favorise-t-il l'apprentissage au Mathieu Planche Show tout de suite. Et voici celui qui va dormir tout le long de l'émission pour mieux apprendre, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 5 septembre 2016, comme toujours la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, et le segment geek CNX. On a beaucoup de nouvelles cette semaine parce qu'on a pris congé la semaine passée, donc une émission particulièrement dense en termes de contenu, en plus de suivre les événements Apple qui ont lieu en ce moment en direct pendant l'émission du 7 septembre. Les nouveaux iPhone 7 qui viennent d'être annoncés, on en parlera dans quelques instants, un petit peu plus tard dans l'émission en fait. Sinon, on a aussi de la musique à entendre. entendre. Et c'est justement par de la musique qu'on va commencer. Juste avant l'introduction de l'émission, c'était Superhuman sur une pièce de Shirobane sur l'album Backtracking EP. C'est la musique un petit peu Game Boy et Commodore 64 avec de la voix pas mal sur l'album. Un petit peu moins dans la pièce qu'on a entendu, mais c'est quand même vraiment bon. Shirobane. Maintenant, on continue avec une autre pièce. C'est celle d'un one-man band qui fait la chanson thème de Futurama avec tous ses instruments de musique. Il s'appelle One Man Mob sur YouTube. Et puis, il recrée donc l'introduction de Futurama avec de la guitare, une bass, un paquet d'autres trucs comme ça, l'aide d'un Boss RC-300, d'un Chaos Pad et d'un Chaosolator. Si vous connaissez la chanson thème de Futurama, vous allez l'apprécier dans cette vidéo. Donc, la voici à l'instant. C'est par notre nouvel ami, One Man Mob. Et la chanson thème de Futurama, Futurama Loop Pedal, tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. YouTuber One Man Mob. Avec la chanson-tête de Futurama faite avec du looping, donc tout ce qu'il a fait au fur et à mesure que la pièce avançait était enregistré en tant que loop et rejouait tout seul, et après ça, il rajoutait un élément, un autre instrument par-dessus. Allez voir la vidéo YouTube pour voir comment ça fonctionne. En fait, il s'est mis une caméra GoPro sur la tête pour s'enregistrer. C'est vraiment cool. C'est sur YouTube. Évidemment, allez voir sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est Television, Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les dernières semaines, en fait depuis les deux dernières semaines, parce qu'on était en rediffusion la semaine passée malheureusement. On commence comme toujours au Québec. En fait, on commence, d'habitude on fait Québec, Canada, les autres pays, c'est le monde, Internet. Mais là on commence local, c'est la première fois je pense en carrière que j'ai une nouvelle locale. Vous avez sûrement entendu parler du 40e anniversaire de TVA Trois-Rivières. C'est maintenant que ça se passe, donc la station du groupe TVA à Trois-Rivières souffle ses 40 bougies. Ils sont en onde, HMTL8, depuis 9h du matin, le 29 août 1976. Yvon Leblanc, le présentateur du bulletin de nouvelles cette journée-là, se rappelle des débuts de la chaîne en disant « Je me souviens que c'était un peu chaotique. » Mais on avait quand même réussi à livrer quelque chose en onde. HM, donc le canal 8 en Mauricie, avait été créé par Télémédia afin de relayer en Mauricie la programmation de Télémétropole à l'époque, l'ancêtre de TVA, en plus d'offrir un contenu informatif, culturel et publicitaire local. Pour la direction, la recette de cette longévité est simple. Je cite, je pense que c'est la qualité des employés qui y ont œuvré et qui y œuvrent toujours, leur constance, leur professionnalisme et la qualité de la programmation. Sur les 46 employés actuels, deux à une année près ont vécu les débuts de Chem il y a 40 ans. Et pour ces 40 ans, ils se sont donnés comme cadeau une importante mise à jour technologique, notamment en passant à la diffusion haute définition. Oui, oui, vous avez bien entendu, en 2016, une télé qui passe à la haute définition. Faisait longtemps qu'on n'a pas entendu ça. D'habitude, c'est au début des années 2000. Mais bon, les chaînes locales, c'est pas la priorité pour tout le monde. On reste, on passe au Québec, là, même si Trois-Rivières c'est au Québec, pour une bande dessinée de Dans une galaxie près de chez vous qui est en chantier en ce moment. Le BDiste Julien Paré-Sorel a confirmé le projet sur Facebook en attendant le troisième film basé sur la série télé. On bûche actuellement là-dessus, Claude Legault, entre autres. On aura droit donc à de nouvelles aventures du Romano Fafard l'an prochain grâce à un nouveau projet de bande dessinée chapeauté par les créateurs de la série Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, ainsi que le BDiste Julien Paré-Sorel. C'est d'ailleurs sur la page Facebook de ce dernier qu'on peut découvrir la première image de ce projet qui sera en excité plus d'un. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com, c'est une caricature. Je vous volerai pas le punch. Évidemment, là, comme je disais, on est aux semaines d'habitude, mais on avait sauté la semaine passée, donc on a des nouvelles que vous avez peut-être remarquées ailleurs, mais une version masculine de Code F s'en vient, Code G, sur VRAC cet automne. Après avoir donné donc la parole aux filles, sans filtre et sans tabou, VRAC donnera la réplique aux hommes. Donc, dès l'hiver, les gars s'attaqueront aux lois non écrites de l'univers masculin avec la nouvelle proposition Code G. Une nouvelle, pour ceux qui aiment la version originale, c'est très bien critiqué en ce moment. Donc, on apprend que Phil Roy, Adib Al-Khalidi, Joey Scarpellino, Jay Dutampe et Daniel Pinet. Donc, là-dedans, il y a quatre noms qui sont comme partout en ce moment. Ils vont être dans la première saison et ils vont partager leurs opinions sur différents sujets avec répartie et humour. Perdre sa virginité, les complexes des gars, tromper sa blonde, les grippes d'hommes et déménager avec sa blonde sont autant de sujets que les gars de Code G aborderont avec autodérision. Dans chaque épisode, des collaborateurs masculins comme Guillaume Duranceau-Thibert, Willy B. Rose, Sam Breton, Marc-Antoine Fortier et Fred Dubé se joindront à eux. Peut-être des filles dans Code F, je me rappelle qu'il y avait des gars une fois de temps en temps dans l'émission. Peut-être qu'on va faire la même chose pour avoir une perspective féminine sur des problèmes de gars, entre guillemets. 21 épisodes de 30 minutes. Réalisation de Marisol Aubé et Frédéric Fournier. C'est produit par Zone 3 et ça commence cet automne. Une très bonne nouvelle, on revient à TVA un petit peu, c'est pas mon genre de nouvelles préférées du tout, là. Mais je suis content de voir que Andy Maillé-Pressoir de VTL, celui qui animait l'émission du... qui co-animait ou chroniquait l'émission du matin sur V, faisait des sports. Ensuite, on a retiré l'émission du matin qui durait 3, 4 heures, 5 heures, dépendant de l'année. On a retiré ça. On lui a donné une demi-heure après une infopub sur VTL pour faire un bulletin de nouvelles avec la fille qui faisait nouvelles à l'émission du matin. Une émission de demi-heure, je le rappelle, après une infopublicité, hein, et avant une reprise de genre... La guerre des clans, ou peu importe, c'est vraiment ridicule comme émission. Donc, je le comprends très bien d'avoir sauté sur la chance. Ça m'a surpris qu'il dure aussi longtemps après qu'on ait retiré l'émission du matin. Bravo, et il se joint à TVA Sports. Donc, il accueille Andy Maillé-Pressoir au sein de son équipe pour la Coupe du monde de hockey 2016 dès le 8 septembre, donc demain, ce jeudi. Il assurera la couverture de tous les sports avec pour rôle de faire découvrir les coulisses des événements et le monde du sport sous tous ses angles. C'est un retour aux sources pour Andy Mailly-Pressoir. Il avait fait ses débuts dans le monde des médias en tant que rédacteur à TVA Sport dès le lancement de la chaîne en 2011 pour ensuite poursuivre sa carrière chez V, dans le temps que V allait bien, avait de la qualité, puis il y avait un futur promis là-bas. Puis finalement, ben comme mange la chloute, hein? Après une infopub, je rappelle qu'il y a une infopub juste avant l'émission qu'il animait. Juste avant. C'est ça. Il est aussi blogueur depuis 2013. Andy Mailly-Pressoir. Ensuite, hey, je te dis qu'on est people dans ce début de chronique-là. Oui, je vais parler de Marie-Pierre Morin. Pourquoi? Parce qu'elle va animer une émission, participer à une émission en anglais sur la mode. Elle se lance dans une aventure télé, une nouvelle aventure après son talk show sur Zelle. On passera par-dessus comme on le fait depuis longtemps. Mais l'émission Style Factory sur la chaîne Slice. Donc la fiancée d'un joueur de hockey quelconque semble ravie d'une telle opportunité. Une première capsule mettant en vedette Marie-Pierre Morin est déjà disponible en ligne. Son intervention porte sur les sourcils. Hein, c'est vraiment de la pertinence. Style Factory se décrit comme une émission portant un regard addictif, on dit accrocheur en français, sur les coulisses de la mode et de la fabrication des produits de beauté. Maintenant, on passe à CBC Radio-Canada qui dévoile la couverture multiplateforme des Jeux paralympiques de Rio. Vous avez peut-être entendu parler que ça va jouer dans des cases horaires absolument un peu regardables. Ben, c'est vrai. Il s'agit du plus grand nombre d'heures de diffusion jamais offertes au Canada pour des Jeux paralympiques. Ça veut pas dire que c'est beaucoup, mais c'est plus que c'était. Donc, CBC Radio-Canada a levé le voile sur la couverture des Jeux paralympiques de Rio 2016, qui débute donc aujourd'hui, le 7 septembre, pour 11 jours. En tout, CBC Radio-Canada et ses partenaires du consortium de diffusion paralympique canadien fourniront plus de 700 heures de couverture des Jeux. Une couverture sera également assurée par Yahoo Sport Canada, Sentinel News et Facebook Live. Les plateformes numériques de CBC Radio-Canada fourniront une couverture quotidienne en direct pouvant aller jusqu'à 11 signaux de diffusion simultanée. La couverture à la télévision sera offerte tous les jours sur CBC Radio-Canada, Sportsnet One et AMI TV. Pour le public de langue française, Radio-Canada et Accessible Média, donc AMI, via le consortium de diffusion paralympique, présenteront plus de 40 heures de diffusion à la télé et 650 heures de diffusion en ligne. La programmation prévue sur Radio-Canada Télé comprend la cérémonie d'ouverture animée par Marie-Josée Turcotte avec l'athlète de record paralympique Philippe Gagnon, présenté donc ce soir à 23h, hein, les heures de grande écoute comme on l'appelle. Une émission spéciale sera aussi présentée le vendredi 9 septembre à 21h, au moins c'est plus respectable. La cérémonie de clôture va aussi être animée par Marie-Josée Turcotte et Philippe Gagnon le 18 septembre à minuit, heure de l'Est. Les samedis et dimanches, Marie-Josée Turcotte suivra l'action en direct de 14h à 17h. Bon, pendant les Jeux, Jean Saint-Onge proposera des émissions de 60 minutes de Rio chaque soir du 8 au 17 septembre, toujours à 23h et le week-end à 22h30. Les analystes seront Marc-Antoine Ducharme, Jean Laroche, Philippe Laroche et Catherine Barbeau. Du côté de la CBC, les détails sont sur assemblagerequis.com. Le comité paralympique canadien s'est associé avec Facebook Canada pour fournir aux amateurs canadiens une plateforme pour interagir en direct. Plus de 20 millions de Canadiens utilisent Facebook chaque mois et les comptes Twitter du comité présenteront aussi des extraits en direct. Je suis très, très, très déçu, comme évidemment. Je veux dire, à un moment donné, c'est la suite des Jeux Olympiques, puis tu joues ça dans le milieu de la nuit. C'est comme, à un moment donné, par rapport. Mais au moins, de nos jours, on peut les enregistrer. Hein? Voilà, pour pas leur donner de code d'écoute en temps réel à Radio-Canada, parce qu'elle mérite pas. On n'ira pas en radio complètement. On va juste faire une nouvelle de Radio-Canada qui a rapport avec la radio maintenant, vu qu'on vient de parler de Radio-Canada, qui va devoir cesser la publicité nationale sur Ici Musique. La Société Radio-Canada devra cesser de diffuser des publicités payantes sur les ondes de ses stations de radio Ici Musique. C'est ce qu'a tranché le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le CRTC avait autorisé en 2013 la diffusion de publicités pour un total maximum de 4 minutes par heure sur les ondes de Ici Musique, qui était à l'époque Espace Musique, et de Radio 2 de CBC jusqu'à la fin août 2016, afin d'aider la SRC à compenser les effets de la réduction des crédits parlementaires et à maintenir ses investissements en radio. Or, selon le Critic, la SRC n'a pas maintenu son niveau d'investissement en radio, comme le montrent les baisses de dépenses d'exploitation en production et en programmation. De plus, compte tenu de l'engagement du gouvernement libéral de Justin Trudeau d'accorder un financement de 675 millions de dollars sur 5 ans, le CRTC estime que les services pourront maintenir leur nature distincte et la qualité de leur programme sans avoir besoin des revenus provenant de la diffusion de publicité nationale payée. Pour ces raisons, le CRTC refuse la nouvelle demande présentée par Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des réseaux et stations d'Ici Musique et de Radio 2 afin de prolonger l'autorisation de 2013 qui expirait. La publicité n'est désormais autorisée qu'au cours d'émissions que le diffuseur ne peut obtenir que par commandite ou afin de satisfaire aux exigences de la législation relative aux élections. Radio-Canada souhaitait prolonger de 2 ans la décision lui permettant de diffuser des publicités nationales payantes sur ses 2 stations de radio musicale. Les réticences de l'organisme fédéral de réglementation semblent essentiellement porter sur le niveau insuffisant des investissements en radio. Le CRTC reconnaît en effet que 3 des 4 conditions imposées en 2013 ont été respectées, c'est-à-dire la diffusion de publicités nationales payées n'a pas eu une incidence néfaste indue sur les marchés publicitaires. Elle n'a pas indûment incommodé les auditeurs et la programmation offerte par les 2 services est toujours aussi variée et diversifiée, estime le CRTC. Selon les arguments de la SRC, tels que rapportés dans le document du CRTC, la publicité aurait apporté aux diffuseurs des revenus supplémentaires indispensables, étant donné que les nouveaux crédits parlementaires de 75 millions pour l'exercice 2016-17 et 150 millions par an de 2017-18 à 2020-21 ne couvriront que les 2/3 du budget de la SRC. Alexandra Forcier, responsable de la stratégie et des affaires publiques à Radio-Canada, a indiqué dans un courriel que le réinvestissement public annoncé par le gouvernement Trudeau servira essentiellement à stabiliser les activités de Radio-Canada et à mettre en œuvre ses priorités stratégiques pour 2020. Allez voir les commentaires, le reste de l'article est par et des citations de ces gens-là sur l'article de la presse canadienne. Toujours à Radio-Canada, la GRC veut mettre la main sur du matériel de l'émission Enquête. La GRC tente de forcer Radio-Canada à lui remettre des extraits jamais diffusés d'entrevues réalisées par l'animateur Alain Gravel à l'époque où il animait l'émission Enquête. Déjà, la société publique a mobilisé son service juridique pour bloquer la manœuvre des policiers et protéger ce que son directeur général de l'information décrit comme un principe sacré, donc l'assurance que le matériel amassé par des journalistes servira uniquement à informer le public et non pas à compléter par la bande le travail des autorités. Le dossier qui intéresse la GRC est celui de la corruption à l'Agence du revenu du Canada qui avait fait l'objet d'une fouille approfondie à l'émission Enquête. Plusieurs personnes ont été accusées au criminel dans cette affaire, dont 2 intervenants avec qui Alain Gravel avait réalisé des entrevues. On parle de Francesco Bertucci, propriétaire de l'entreprise Thomson Tremblay, et Adriano Forgiel, vérificateur du fisc congédié en 2009. La théorie de la poursuite est que M. Forgiel a reçu un pot de vin de 150 000 $ pour aider M. Bertucci à éviter de payer des centaines de milliers de dollars en impôts. Le reste de l'article parle des extraits qui ont été diffusés et des trucs comme ça, donc ça dure pendant des heures et des heures. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. On va chez Bell maintenant, qui devient le premier fournisseur de télévision IP à 4K sans fil au monde. Hein? En augmentant le nombre d'antennes Wi-Fi intégrées à son modem, Bell propose désormais un débit suffisant pour alimenter directement l'ensemble de ses récepteurs numériques, y compris son enregistreur 4K. La nouvelle borne Universelle 3000 a donc fait son introduction chez Bell récemment. En résumé, il s'agit de la nouvelle version de son modem Wi-Fi, désormais tri-bande, qui vient remplacer les multiples dispositifs qui accompagnent actuellement la borne Universelle 2000. T'as l'ONT, le VAP et le UPS pour tenir le courant pendant une panne de courant. Donc, ces 3 appareils, je les ai depuis le mois de juin à la maison, chez moi. 3 appareils énormes, le gros modem noir, la grosse boîte une mur, puis la plus petite moyenne grosse boîte une mur. Si j'avais commandé ça au mois d'août, j'aurais eu la nouvelle borne, mais maintenant, si je la veux, il faut que je paye 100$. Hein? Donc, Bell écrit la borne Universelle 3000 comme étant 3 fois plus puissante que son prédécesseur. Elle est dotée de 12 antennes, offrant un débit total de 1 gigabit de la commutation de voix automatique réduisant les interférences et une technologie tri-bande qui lui permet une couverture vaste et fiable dans toute la maison. Rappelons que le nouveau modem comprend également une batterie promettant le maintien de la connexion Internet en cas de panne de courant pour une période de 4 heures. Bell n'est pas peu fier de rappeler qu'il est le premier fournisseur au monde à offrir un service de télévision IP 4K entièrement sans fil grâce à cette technologie. Ça signifie que les détenteurs de l'enregistreur 4K de Bell pourront débrancher celui-ci une fois qu'ils auront mis à niveau leur modem à la borne Universelle 3000. Le tarif est de... Oh, j'avais dit 100$, pas 100$, c'est 200$. Donc le tarif est de 7$ par mois ou 199,95$ pour acheter le nouveau modem. Évidemment, l'ancien modem... Ben, ils vont pas vous redonner de l'argent pour, hein, tu sais. L'accès au contenu 4K de Netflix sera intégré à son service cet automne. Et en attendant, les clients devront se contenter de payer pour du modeste contenu à la carte ou offert par les chaînes TV1. TV1, c'est la chaîne de Bell. Ici explorera Discovery, Stingray Ambiance, une chaîne de musique, Space Channel, une chaîne de science-fiction et une image en 4K sans fil, sans vraiment de contenu. Ensuite... justement, parlant de télé 4K, le site Real or Fake 4K trouve le meilleur contenu 4K pour votre télévision. Oui, votre télévision à vous à la maison. Si vous avez décidé d'acheter une télé 4K, vous avez probablement eu de la difficulté à trouver du bon contenu. Hein? C'est pas parce que quelque chose se dit 4K que c'est vraiment de la 4K. Pour que quelque chose soit authentiquement 4K, il faudrait que ce soit filmé, monté et rendu à la résolution 4K, c'est-à-dire 4 fois le 1080p. Par contre, dans certains cas, des films plus vieux, avant l'époque que le 4K existait, quand ça n'existait pas, là, ben des fois c'est du upscaling. Hein? Donc, Real or Fake 4K peut vous donner la différence pour des films individuellement. Le site va vous dire comment le film a été filmé, quel processus a été utilisé pour le montage et ce que ça va être comme expérience pour vous. Dans certains cas, donc le 4K ne serait pas un vrai 4K, donc magasinez prudemment sur Real or Fake 4K. Voilà. Le site vous dit aussi où acheter les meilleurs médias 4K compatibles pour pouvoir regarder quelque chose sur votre nouvelle télé. Ensuite, on reste au Canada avec la fin de la substitution simultanée du Super Bowl qui va commencer à partir du mois de janvier 2017. Les Canadiens pourront de nouveau voir les publicités américaines du Super Bowl. On en a déjà parlé à l'émission fréquemment, mais là, on a la date sur les ondes des fournisseurs de services par câble, satellite ou Internet nationaux. Le CRTC a publié une ordonnance de distribution qui retirera effectivement l'autorisation de procéder à la substitution simultanée lors du Super Bowl, et ce, à compter du 1er janvier 2017. Les Canadiens pourront également choisir de regarder le Super Bowl sur des stations de télévision canadiennes diffusant des publicités canadiennes, s'ils le veulent. Ultimement, les Canadiens auront le droit de regarder le Super Bowl sur les stations de leur choix. La décision qui avait été annoncée au début de 2015. Cette ordonnance fait suite à plusieurs plaintes reçues par le CRTC, notamment dans le cadre de l'instance Parlons Télé, d'un certain nombre de parties de la piètre qualité et de la mauvaise synchronisation de la substitution simultanée, ce qui leur faisait manquer le début ou la fin d'une émission ou d'une publicité, surtout pendant la diffusion du Super Bowl. En 2013, le conseil a reçu 458 plaintes à l'égard de la substitution simultanée. De ces plaintes, 20% portaient sur les publicités du Super Bowl, durant lequel les téléspectateurs auraient préféré voir les publicités américaines plutôt que les publicités canadiennes. Les autres plaintes portaient sur des substitutions mal exécutées, surtout pendant ou après des événements diffusés en direct qui dépassent l'horaire prévu, genre American Idol ou autre. Donc le CRTC déclare que le conseil a pris note de la frustration croissante des Canadiens à l'égard de la substitution simultanée, oui, le SimSub, en général, et de la fréquence des erreurs durant le processus de substitution. Il a indiqué que l'insatisfaction des Canadiens était justifiée puisque les erreurs qui se produisent lors de la SimSub empêchent l'abonné de recevoir un service pour lequel il a payé, peu importe qu'il regarde ou non l'émission en question. Le CRTC a aussi précisé que les Canadiens pourront également choisir de regarder le Super Bowl sur des stations de télévision canadiennes diffusant des publicités canadiennes, comme je le disais tantôt. Malgré certaines réserves, le conseil a décidé de continuer d'autoriser la pratique de la substitution simultanée des stations locales en direct. Il a cependant pris une décision de politique visant à rééquilibrer le régime afin de répondre aux insatisfactions des téléspectateurs canadiens. Ultimement, les Canadiens auront le droit de regarder le Super Bowl sur les stations de leur choix. Toutefois, l'Association canadienne des annonceurs et la Canadian Media Directors Council, le groupe BCE, propriétaire du réseau CTV, qui diffuse le Super Bowl au Canada, Beat the Drum Advertising, la NFL, le groupe Rothenberg et Unifor, un syndicat national né en 2013 de la fusion du syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et des travailleurs canadiens de l'automobile et plusieurs autres, se sont opposés à la nouvelle politique du CRTC. Voilà. Quel article long pour rien. Hein? On reste au Canada. Pour ceux qui regardent les nouvelles de National sur la CBC, Peter Mansbridge va tirer sa révérence en 2017. Peter Mansbridge, le vétéran présentateur de nouvelles du réseau CBC et l'un des journalistes les plus connus au Canada anglais, a annoncé qu'il entame sa dernière année à son poste. Âgé de 68 ans, après près de 30 ans à la barre du bulletin de soirée de National, il prévoit se retirer le 1er juillet 2017, alors que le Canada célébrera son 150e anniversaire. Monsieur Mansbridge a commencé à faire de la radio au Manitoba en 1968, il avait 19 ans. En 75, il est devenu journaliste télé pour le National. Il est aujourd'hui le chef d'antenne le plus ancien de toutes les chaînes télévisées canadiennes. Je trouve que c'est bizarre comme mot, le plus ancien. CBC estime qu'il a mené 15 000 entrevues. Durant sa carrière de présentateur, il a couvert 15 élections générales canadiennes, 8 cérémonies de Jeux olympiques et annoncé aux téléspectateurs plusieurs grands événements comme la chute du mur de Berlin, la mort de la princesse Diana et les attentats du 11 septembre 2001. Bien sûr, il a été nommé officier de l'Ordre du Canada en 2008. On va aux États-Unis maintenant avec la suite de l'histoire dont on parle à chaque semaine depuis un mois et demi, deux mois. Le harcèlement sexuel chez Fox News. C'est confirmé, 20 millions de dollars pour une des présentatrices qui a porté plainte. Donc la maison mère de Fox News, la 21st Century Fox, a conclu un accord à l'amiable avec une ancienne présentatrice qui accusait Roger Ailes, l'ex-PDG de la chaîne de télévision favori des conservateurs américains, de harcèlement sexuel. Les détails financiers de cet accord n'ont pas été dévoilés par l'entreprise, évidemment, mais selon plusieurs médias, Gretchen Carlson doit toucher 20 millions de dollars pour mettre fin à ses poursuites, qui ont déjà coûté son poste à M. Ailes, l'un des hommes les plus puissants du paysage médiatique américain. La chaîne a également présenté des excuses publiques à l'ancienne présentatrice qui avait déposé une plainte début juillet devant un tribunal de l'État du New Jersey. Madame Carlson avait porté plainte notamment contre M. Ailes de 76 ans et ses accusations avaient ébranlé la chaîne d'information. Celle-ci avait ainsi ouvert une enquête interne alors que les médias américains relayaient des témoignages d'autres femmes décrivant un climat interne d'intimidation et de misogynie. Dans sa plainte, l'ancienne présentatrice accusait M. Ailes d'avoir mis fin à son contrat dans le but de se venger. En récusant des allégations portées contre lui, Roger Ailes a démissionné le 21 juillet, ce qui a suscité des interrogations sur l'avenir de la chaîne, vache à lait de la 21st Century Fox. Cet ancien conseiller de président républicain était une personnalité clé de l'empire du magnat des médias Rupert Murdoch, propriétaire de Fox News. Elle était, Mme Carlson, la lauréate du concours Miss Amérique en 1989. Elle a rejoint Fox en 2005 après avoir travaillé pour CBS News. Elle a interrogé de nombreux dirigeants, dont Barack Obama, l'ancien président George W. Bush et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Elle a été la présentatrice pendant 7 ans de l'émission matinale Fox and Friends. Ensuite, elle avait une émission d'après-midi. Puis c'est, on dit que c'est parce qu'elle avait de mauvaises codes d'écoute qu'elle avait été sacrée dehors. Mais comment prouver ça? Hein? C'est pour ça les ententes à l'amiable. Comme ça, les détails n'ont pas besoin de sortir. Est-ce qu'il pourrait y avoir une série inspirée par One Direction? Wow! Ex-membre du boys band One Direction, Zayn Malik vole de ses propres ailes depuis 1 an et demi et a lancé un album en mars. Est-ce qui n'empêche pas de trouver matière à inspiration dans son expérience au sein du groupe britannique à succès? Selon Variety, la jeune idole de 23 ans est en train de travailler à une série de fiction inspirée de l'histoire du groupe qui a pris récemment une pause d'une durée indéterminée. Intitulée Boys, la série est une production de Dick Wolf, oui oui, l'homme derrière la loi et l'ordre. Tu sais, crimes sexuels, des trucs comme ça. Aider sa femme Noella qui ça pourrait atterrir ce projet-là sur les ondes de NBC. Reste à voir donc comment ça va fonctionner tout ça. Ensuite, oui, on reste dans le People encore une fois. Britney Spears, un film biopic à la télé américaine au sujet de Britney Spears. La vie de l'icône de la pop passée d'une célébrité fulgurante à l'adolescence au déboire de sa vie de jeune adulte sera racontée dans un film biographique, un biopic diffusé par Lifetime. Ce film de 2 heures intitulé Britney doit être diffusé l'année prochaine et aura pour actrice principale l'Australienne Natasha Bassett. Celle qui incarnera la chanteuse américaine a notamment joué dans le film des frères Coen Ave César. Lifetime a expliqué que Britney retracerait la vie de la chanteuse de 34 ans dès son enfance en Louisiane, où son talent fut détecté très jeune. Après une rapide ascension à la fin des années 90, sa vie privée tourmentée, sa rupture avec Justin Timberlake ou encore des images d'elle en train de conduire avec son bébé sur les genoux l'ont accablé. Bon. Ensuite, Dolly Parton, hein? Prostituée à la télé, hein? La reine du country, Dolly Parton, s'apprête à effectuer son retour au petit écran avec un rôle de prostituée pour son deuxième téléfilm autobiographique en 2 ans. L'Américaine de 70 ans jouera celle qu'elle idolâtrait quand elle était jeune en raison de son look dans sa ville natale de Sevierville, au Tennessee. Sur le plateau du rendez-vous de fin de soirée de Jimmy Fallon, la chanteuse a confié qu'elle sera la vedette de Christmas of Many Colors, Circle of Love, qui sera diffusée le 30 novembre sur NBC. Basée sur une histoire vraie tirée de l'enfance de Dolly Parton, il s'agit de la suite du téléfilm Coat of Many Colors, qui avait attiré près de 13 millions de curieux lors de sa diffusion à la télé en décembre dernier. Pour Dolly Parton, la prostituée qu'elle personnifiera a été très marquante. Allez voir l'entrevue sur assemblagerequis.com. L'association entre la star et NBC se poursuivra dans un avenir rapproché. La chanteuse est liée à une entente de 4 téléfilms avec la chaîne américaine, dont les 2 prochains seront basés sur ses célèbres chansons Jolene et The Seeker. Voilà pour le premier bloc de Television Television. On a un deuxième bloc tout à l'heure, mais avant ça, une pièce de Chibitech sur l'album Moness Volume 1, The Idol Composer's Groove. Voici Classified Privates. MPS Le Mathieu Plante Show sur Cifou. We'll be right back. CIBL.ca. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes à CIBL. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Vous avez habitué un bien meilleur show musical que ça d'habitude. Kate Gaze, sur l'album Color Mechanica par Note. Ça date de 2013, j'avais choisi ces chansons-là il y a super longtemps. C'est pas mauvais. Note, avec un point d'exclamation. Maintenant, c'est le moment de retourner à Television Television. C'est Television, Television, on reste aux États-Unis, on s'en va sur le câble avec Showtime aux États-Unis qui est à développer une nouvelle comédie sur les décisions juridiques islamiques connue sous le nom de Fatwa. Fatwa qui est en cours d'écriture et produit par Asif Manvi, correspondant, un ancien correspondant du Daily Show, je crois qu'il est ancien correspondant, il me semble. Et Dave Holstein, qu'on connaît pour Weeds, explorera la vie de L.K. Hussein, joué par Manvi, un dessinateur dont la vie s'améliore de façon spectaculaire après qu'une menace de mort soit faite contre lui. La collaboration découle du travail du duo alors qu'ils ont travaillé ensemble comme scénariste-producteur sur une autre comédie satire, celle de HBO The Brink, sur laquelle Asif Manvi était également co-vedette. Asif Manvi a joué récemment dans Mother's Day et a un rôle récurrent dans la prochaine série Netflix Lemony Snicket's Series of Unfortunate Events. Il a aussi créé la comédie Halal in the Family, que j'adore, le jeu. Ce jeu de mots-là est malade. C'est comme All in the Family, mais Halal in the Family, je trouve ça génial. Dave Holstein est connu pour avoir travaillé sur Weeds, comme je disais tantôt, Raising Hope, et sur la prochaine comédie de Showtime, I'm Dying Up Here. Ensuite, débat présidentiel, c'est Anderson Cooper, Lester Holt et Chris Wallace qui vont être aux commandes des trois débats, ça a été annoncé récemment. Les présentateurs vedettes de CNN, de NBC et Fox News ont été retenus pour modérer chacun l'un des trois débats entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, a annoncé la commission des débats présidentiels. Les trois débats entre le candidat républicain Donald Trump et la candidate démocrate et future gagnante présidente des États-Unis Hillary Clinton auront lieu le 26 septembre sur le campus de l'université d'Ostra, le 9 octobre sur celui de l'université de Washington à Saint-Louis et le 19 octobre sur le campus de l'université du Nevada à Las Vegas. Le présentateur du journal du soir, donc les nouvelles quotidiennes de NBC, Lester Holt, sera aux commandes du premier débat. Il a 57 ans, ce Californien d'origine, 35 années de télévision derrière lui. Il n'a accédé qu'au Graal, le fauteuil du présentateur du journal du soir, qu'en février 2015, après que Brian Williams a été pogné en train de mentir. C'est lui qui était au poste depuis 2004. Durant ses 18 mois à la tête du journal de NBC, Lester Holt a amené un ton nouveau, un peu plus incisif et n'a pas hésité à se rendre régulièrement sur le terrain. Le deuxième débat sera animé par Anderson Cooper, descendant du magnat américain du rail Cornelius Vanderbilt. Ce journaliste de 49 ans est arrivé en 2001 sur la chaîne d'information CNN et a pris la tête de sa propre émission Anderson Cooper 360 en 2003. Sa notoriété a grimpé en flèche à la faveur de la couverture des suites de l'ouragan Katrina, portée par un ton privilégiant l'humain et l'émotion. Anderson Cooper présentera le débat conjointement avec Martha Raddatz, 23 ans, journaliste de la chaîne ABC. Le troisième et dernier débat sera présenté par Chris Wallace, qui a 68 ans, l'une des figures de la chaîne d'information Fox News à la ligne éditoriale très conservatrice. Ce vétéran de la télévision américaine qui compte plus de 40 années de carrière sur NBC, ABC et Fox News anime l'émission du dimanche Fox News Sunday. Fin juillet, après la convention démocrate, Hillary Clinton l'avait choisi pour son premier entretien sur Fox News depuis plusieurs mois. Et comme le veut la tradition, un débat sera également organisé entre les deux candidats à la vice-présidence, Mike Pence, comme j'appelle Michael Pantalon, le coulissier de Donald Trump, et Tim Kaine, celui de Hillary Clinton. Ce débat aura lieu le 4 octobre sur le campus de l'Université de Longwood en Virginie. Ce qu'il y a de particulier avec Chris Wallace, c'est qu'il se fait poser comme question, si mettons un des candidats, mettons au hasard Donald Trump, mettons, dit quelque chose de complètement faux, est-ce que vous allez le reprendre? Et Chris Wallace de répondre, non, pas ma job! Tiens. Non, pas ma job! C'est au public de se faire une idée. OK. Comme tu veux. On va à l'international maintenant avec Canal+, qui est mis au pain sec et à l'eau pendant 2 ans. Le groupe Canal+ voit s'éloigner l'épouvantail de la fermeture brandie par Vincent Bolloré en avril dernier, on avait parlé ici, mais la chaîne cryptée va s'astreindre à un régime draconien pendant 2 ans. En proie à une perte continue de revenus, Canal+ va se serrer la ceinture. Un plan de réduction de coûts de 300 millions d'euros d'ici à 2018 a été annoncé par la maison mère Vivendi lors de la présentation de ses résultats financiers du premier semestre. Le groupe devra abaisser ses dépenses de distribution de 100 millions, ses frais techniques et de diffusion de 50 millions et ses coûts de production et d'édition de programmes de 150 millions. Sur la première moitié de l'année, les principaux indicateurs restent en baisse. Le chiffre d'affaires a reculé de 3,5% en un an à 2,6 milliards d'euros. L'érosion du parc client s'est poursuivie avec 509 000 résiliations en un an, si bien que le nombre d'abonnés individuels est pour la première fois plus élevé à l'étranger, avec 5,7 millions de clients qu'en France, à 5,4 millions. Enfin, le résultat opérationnel ajusté a fondu de 25,7% à 288 millions. La baisse est liée aux difficultés rencontrées par les activités de télévision payante en France métropolitaine ainsi qu'à la moindre profitabilité de Studio Canal et des chaînes gratuites, a expliqué le groupe Canal dans un communiqué. Le revenu moyen mensuel par abonné a tout de même grimpé de 70 centimes à 45 euros. Pour Vincent Bolloré, la réduction de la plage en clair de 7 à 2 heures par jour aidera à redresser la barre. Le clair, c'est quand on diffuse sans les brouillages sur les ondes, donc on peut les regarder gratuitement sur la télé. Alors que la diffusion exclusive de beIN Sports en France lui a glissé entre les doigts, Vivendi va miser sur la production de contenu pour smartphones et tablettes grâce à Studio Plus. Lancé dans les prochaines semaines, il se chargera de concevoir des séries premium exclusives au format novateur, court et puissant, sur la base 25 séries, mais une soixantaine plus tard de 10 épisodes de 10 minutes et dans 6 langues. Comme on l'a dit tantôt, c'est plus populaire à l'extérieur du pays, donc aussi bien faire d'autres langues. Hein. L'investissement du média mobile qui s'accompagne de l'intégration de l'éditeur de jeux Gameloft, que Vivendi a lentement arraché des mains de ses créateurs au terme d'une OPA hostile de plusieurs mois. Le groupe se félicite néanmoins d'avoir finalisé avec succès l'opération, mais plus difficile est la tentative de rachat du Netflix italien Mediaset Premium, détenu en partie par Silvio Berlusconi. Il a récemment assigné Vivendi en justice. Toujours, on passe sur Internet après l'international, c'est Netflix. Quelques nouvelles à ce sujet-là. Pour commencer, on reste en France, il ferme ses bureaux français, mais le service reste disponible. 2 ans après son lancement français, Netflix déménage ses bureaux parisiens pour les transférer aux Pays-Bas. Pour les clients du service, ça change absolument rien, mais cette situation pourrait remettre de l'eau dans le gaz entre l'entreprise et le ministère de la Culture. Situé dans le 7e arrondissement de Paris, rue de l'Université, les bureaux français de Netflix vont prochainement se vider. Les quelques cadres qui y officient, principalement des employés dans la communication et le marketing, vont être rapatriés à Amsterdam, où se trouve le siège européen du service de vidéos sur demande payant. C'est toujours payant, les vidéos sur demande, mais bon. La plupart du temps. Netflix n'a pas donné de raison officielle à ce déménagement, mais c'est fort probable que la fameuse exception culturelle française en soit l'une des principales. Pourtant, avec un siège social situé en dehors de la France, Netflix ne payait pas d'impôts dans l'Hexagone. Il lui restait cependant à verser les 2% de ses recettes au Centre national du cinéma pour aider au financement des productions françaises. À cela s'ajoute depuis le 1er janvier la TVA, donc une taxe sur les recettes françaises. En tout, l'entreprise aurait versé 600 000 euros à l'État français depuis son arrivée dans le pays. Ce déménagement change rien, comme je disais, pour la disponibilité de Netflix sur le territoire français. Les différentes offres, tout comme le catalogue, restent inchangés. Le service a toutefois toujours en projet de produire une saison 2 pour la série « À aucun succès Marseille ». Premier programme français proposé au sein de son offre comme une exclusivité Netflix. Reste désormais à savoir si le ministère de la Culture et de la Communication va réagir à cette situation. Toujours chez Netflix, go! Alison Brie va jouer les lutteuses dans une série sur Netflix qui vient de confirmer la nouvelle série Glow, donc qui se déroule dans le monde de la lutte féminine, et ça va mettre en vedette la jeune Alison Brie qu'on connaît de Community, entre autres. Donc Glow signifie Gorgeous Ladies of Wrestling, les belles dames de la lutte, et est inspirée par l'histoire vraie de la ligue de catch. Ça, c'est des Français qui disent catch pour de la lutte, là. Féminin des années 80. La série est présentée par les créateurs de Homeland et Orange is the New Black. La nouvelle comédie mettra en vedette l'actrice de Mad Men et Community, Alison Brie, dans le rôle principal. Les 10 épisodes vont se dérouler à Los Angeles. Alison Brie va jouer Ruth, une actrice en difficulté là, dont la carrière prend une tournure surprenante quand elle obtient un rôle dans une série hebdomadaire sur les lutteuses. Elle est ainsi projetée dans ce monde fastueux rempli de spandex. Mark Maron, animateur entre autres de talk show, Betty Gilpin sont aussi confirmés pour la série. Betty Gilpin, il me semble que c'est celle qui joue dans Frasier, ça. Juste pour aller voir, pour être sûr de ce que j'avance. Peut-être. Non, ça c'était Perry Gilpin. C'est une autre fille. Betty. Peut-être sa fille, je sais pas. Peu importe. Alison Brie est connue pour ses rôles dans Mad Men, Community, et Glow va être la deuxième fois qu'elle va travailler sur Netflix. Elle a prêté sa voix à de multiples personnages dans la comédie animée BoJack Horseman. Ensuite, toujours sur Netflix, Friends from College, une nouvelle série Netflix de Nick Stoller. Netflix annonce la nouvelle série Friends from College du scénariste et réalisateur et de la sénatrice... Pardon. Scénariste et réalisateur Nick Stoller et de la scénariste Francesca Del Banco. Netflix, leader mondial de la télé en streaming, annonce la nouvelle série comique. Friends from College. C'est le gars donc qui s'occupait de Nos pires voisins. Je sais pas ce que c'est, un film sûrement. Nos pires voisins 2. Sans Sarah, rien ne va. Je connais pas. Et American Trip. Je pense que d'après moi, ça c'est des titres français de films. Et c'est vraiment laid. Le couple de scénaristes assurera en outre la production exécutive de la série dont Stoller réalisera les 8 épisodes. Le tournage est prévu cet automne à New York. La série sera servie par une brochette de stars dont Keegan-Michael Key, qu'on connaît pour Key and Peele, Kobe Smulders de How I Met Your Mother, Annie Paris, Fred Savage, Nat Faxon et Jae-Suk Park. Nick est un génie de la comédie, nous dit le résumé. Friends from College, qu'il a créé avec Francesca, est un monde tout à la fois émouvant et extrêmement drôle. Nous sommes ravis de travailler avec eux et un casting aussi prestigieux. Voilà. C'est la vice-présidente des programmes originaux de Netflix qui a dit ça. C'est ça que je cherchais, c'était le résumé de l'émission. La série met en scène un groupe d'anciens amis de Harvard qui font le bilan de leur vie à l'aube de la quarantaine. Égrenant réussite et échecs personnels et professionnels, la série s'appuie sur leurs relations compliquées pour explorer avec humour l'évolution de leur amitié, de leurs anciens coups de cœur et la façon dont ils conjuguent vie adulte et nostalgie. D'ailleurs, Francesca Del Balco et Nick Stoller ont tous les deux fait leurs études à Harvard. Francesca Del Balco a obtenu un master, une maîtrise en création littéraire à l'Université du Michigan. Allez voir les informations pour le reste de la biographie de M. Stoller sur assemblagerequis.com. Toujours chez Netflix, c'est la nouvelle qui me fait triper le plus cette semaine. On amène Bill Nye, The Science Guy, sur Netflix. Les amateurs de science connaissent Bill Nye, The Science Guy, pour son émission du même titre. Bill Nye, The Science Guy, diffusé à la fin des années 90. C'est un vulgarisateur et scientifique américain, et il va bientôt avoir une nouvelle émission. Pas à la télé, évidemment, mais sur Netflix, qui est aussi par la bande à la télé, si vous avez une télé branchée sur Netflix. Hein. La nouvelle série s'intitule Bill Nye Saves the World. Et ce sera un talk show. Les premiers épisodes vont être centrés sur les problèmes scientifiques complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui, comme la vaccination, les OGM, les changements climatiques. La description de Netflix est la suivante, je cite « Il est question de démystifier certaines croyances populaires et réfuter certaines déclarations anti-scientifiques. » Une nouvelle émission qui devrait donc être similaire à celle qu'il faisait dans le temps. Netflix évoque aussi cette série en parlant d'expérimentation, de quoi laisser supposer, comme il y a une vingtaine d'années, quelques expériences particulières. Ça se passe au printemps 2017. Bill Nye Saves the World. Toujours chez Netflix, on en parle une fois de temps en temps, la Slow TV. Qui pogne de plus en plus à la télé, ben maintenant ça pogne sur Netflix aussi. Donc si vous voulez chiller un petit peu devant votre Netflix, on vient tout juste d'ajouter il y a quelques semaines un paquet d'émissions de Slow TV, comme des trains qui passent en campagne, des canaux d'eau, là, hein? Des foyers, hein? Des vidéos de gens qui tricotent, etc. Tout ça comme télévision d'arrière-plan sur laquelle relaxer, peut-être vous-même tricoter, lire un livre, peu importe. Donc, c'est tout à fait la vie de tous les jours, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment rien du tout. Pour ceux qui aiment le ASMR, entre autres sur YouTube, les motivations par petits chuchotements ou des trucs comme ça, les bruits qui stimulent votre cerveau, allez voir ça, c'est sur assemblagerequis.com pour les liens. On reste dans le genre de Netflix. En fait, on va en Corée du Nord pour parler d'un genre, un Netflix-like qu'on appelle, qui fait de la propagande à volonté. La Corée du Nord vient de lancer dans certains endroits du pays Manbang, une plateforme de vidéos à la demande qui lorgne du côté de Netflix et consorts. Il n'est pas question ici de binge-watcher des séries américaines, comme on dit. Donc, Manbang, c'est un vidéo de service de vidéos sur demande uniquement destiné aux habitants de Corée du Nord, basé sur le même principe que Netflix, à savoir un catalogue de contenu à voir et à revoir à volonté. On ne propose pas de séries, de films, de dessins animés, encore moins du contenu issu de pays étrangers comme les États-Unis. Non, l'intérêt de la plateforme est de proposer du contenu en streaming approuvé par Pyongyang. Au programme, donc, des documentaires sur l'histoire des dirigeants nord-coréens, la dynastie des Kim, également sur le Juche et d'autres sujets du même type. Une offre de propagande accessible en permanence qui comprend également des programmes pour apprendre à parler russe et anglais. Sans grande surprise, nous dit l'article de Quebec.com, le film L'interview qui suit ne fait pas partie du programme. Vous savez, le film là, qui avait fait controverse en Corée. Tous les Nord-Coréens ne peuvent pas profiter de Manbang, qui est délivré via une boîte spéciale. Seules les régions de Pyongyang, Sinju et Saewon y ont droit. Pourquoi? D'un développement très limité d'Internet dans le pays, entre autres. Mais Manbang est aussi un service web, nous dit-on. Une communication, donc, en Corée du Nord, où ça fait office de petite révolution, dit l'article, même si l'ouverture sur le monde est toujours très limitée. On rappelle que les connexions proposées dans le pays ressemblent davantage à un intranet qu'à un Internet avec tous les blocages. Et pour terminer, Amazon utilise les publics de Twitch comme focus group pour de nouvelles émissions de télé. Le site web qui sert plus de 10 millions d'utilisateurs quotidiens. Amazon.com a donc découvert une nouvelle utilisation pour Twitch Interactive qu'ils ont acheté il y a 2 ans pour environ 1 milliard de dollars. Demandant donc des commentaires de la part du public de Twitch et les 10 millions d'utilisateurs comme j'ai, Amazon a streamé 2 émissions originales, 2 pilotes produits par son propre studio sur le site web. C'est la première fois qu'ils font ça et ça montre comment Twitch peut être quelque chose qui va changer le monde dans le futur. Amazon, évidemment, et Netflix qui produisent des séries originales pour attirer du public. Twitch est connu de son côté comme le ESPN ou le TSN ou le RDS des jeux vidéo parce qu'ils streament des compétitions professionnelles de jeux vidéo sur des titres comme League of Legends. Le site permet aux utilisateurs de chatter en même temps que l'action, en réagissant avec des emojis, peu importe. L'année passée, Twitch a commencé à faire des expériences au-delà des jeux vidéo en ajoutant des émissions de cuisine et des émissions artistiques pour quelques 2 millions d'utilisateurs. Et bien, récemment, c'était la première fois qu'on streamait des émissions originales, des comédies de Amazon. Donc, le nouveau The Tick est basé sur la bande dessinée de super-héros parodiés. Et Jean-Claude Van Johnson, avec la vedette des arts martiaux de Jean-Claude Van Damme, qui joue un contracteur undercover privé. Voilà. Amazon a fait une alternance entre les deux émissions de façon continue pendant 24 heures. Avant le début du stream, Twitch a montré une publicité pour Geico. Et à l'écran, ça disait « Aidez Amazon à choisir la prochaine super bonne série de Amazon » avec un lien vers un sondage pour pouvoir donner nos commentaires. Les commentaires des gens dans le chat à côté de The Tick. Il y a eu plus de 3500 téléspectateurs à l'origine. On dit que c'était comme un cinéma où les gens se chuchotaient des commentaires alors qu'ils ne regardaient pas vraiment l'émission. Voilà. Donc, allez voir le reste de l'article pour plus de détails sur assemblagerequis.com. Pendant qu'on s'en va entendre, une autre pièce de chiptune. Cette fois-ci, c'est sur l'album Bad Happy par Bubblegum Octopus. Oui, oui, gomme ballon pieuvre. Voici Goodbye Light, God's Fake Laser. On va se plancher chaud tout de suite sur C'est Fou. 89 FM. How does the world perceive and perceive? Yes! Ton album Get Old par Crying. Vous pouvez retrouver à la musique sur Bandcamp. Toujours Mathieu Plancho, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence en médecine avec les oméga-3 qui diminueraient les dommages cérébraux après une attaque. Une étude américaine montre les effets réparateurs d'injection d'oméga-3, ces acides gras essentiels, sur le cerveau de souris victimes d'un accident cérébral à la naissance. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements chez les nourrissons et les adultes ayant subi une attaque cérébrale. Les chercheurs américains du Columbia University Medical Center, le CUMC, ont traité des souris âgées de 10 jours et victimes d'un accident cérébral à la naissance avec une émulsion grasse contenant de l'EPA, qui est de l'acide aicosapentaénoïque, et du DHA, qui est de l'acide docosahexaénoïque, deux acides gras polyinsaturés de la famille des oméga-3, présents en abondance dans la chair des poissons des mers froides. Ces acides gras entrent également dans la composition de certaines huiles, comme l'huile de colza ou l'huile de noix, et sont apportés en faible quantité par notre alimentation. Lors de tests scientifiques préalables, l'huile de foie de morue s'est révélée efficace pour protéger les organes et les cellules après la privation d'oxygène, réduisant ainsi l'inflammation et la mort cellulaire. Les chercheurs ont évalué la fonction neurologique des souris après 24 heures de traitement, puis 8 à 9 semaines après la blessure cérébrale, sachant que l'accident atteint la motricité, donc l'hémiplégie, la sensibilité, qui est l'anesthésie, donc la douleur, les douleurs, la vision, et chez l'homme, le langage, qui est l'aphasie. Le lendemain du traitement, les souris ayant reçu une injection de DHA montraient une réduction significative de la blessure cérébrale. Dans les semaines suivantes, le groupe de souris DHA manifestait de meilleures fonctions cérébrales comparées aux souris non traitées. Les chercheurs ont également constaté une augmentation des concentrations de DHA dans les mitochondries du cerveau, à ces usines productrices d'énergie au sein des cellules qui peuvent être lésées par des radicaux libres quand le flux sanguin est rétabli dans le cerveau après une attaque. Ce processus, connu comme la blessure de réperfusion, est une des causes de dégâts cérébraux après la privation d'oxygène et de nutriments. Vous pouvez aller voir le reste de l'article pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. On parle de dégâts cérébraux chez les nouveaux-nés et chez les adultes. Le surpoids augmente la probabilité de développer des cancers. Plusieurs liens entre l'obésité et le cancer ont été établis. Une nouvelle étude estime que les personnes en surpoids ont des risques plus importants de développer des cancers. Elle recense 8 types de cancers de plus par rapport aux études précédentes. Selon l'Organisme mondial de la santé, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. Le surpoids, donc l'indice de masse corporelle de 25, concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus. Parmi elles, quelques 640 millions sont obèses, donc ont un IMC égal ou supérieur à 30. Signalons que 110 millions d'enfants sont aussi concernés. Dans une étude publiée en novembre 2014 dans The Lancet Oncology et conduite par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, l'Agence pour le cancer de l'OMS estime que le surpoids et l'obésité sont devenus un risque majeur, responsable de 3,6, donc 481 000 cas, de l'ensemble des nouveaux cas de cancer des adultes en 2012. Cette analyse s'appuie notamment sur une vaste base de données, GloboCan, comportant l'incidence et la mortalité par cancer de 184 pays. Les pays riches sont les plus touchés avec près de 2/3, 64% de ces cancers associés à l'obésité enregistrés en Amérique du Nord, donc 111 000 nouveaux cas, soit près d'un quart du total mondial, et en Europe. L'Afrique subsaharienne est la région qui contribue le moins à ce bilan, intéressant. Au sein de l'Europe, l'Est est particulièrement touché avec 65 000 cancers. L'étude montre que cette relation entre cancer et obésité touche plus les femmes que les hommes, en grande partie à cause des cancers de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus, et des cancers du sein après la ménopause. Chez les hommes, l'excès de poids est responsable de 1,9% des nouveaux cas de cancer en 2012 et de 5,4% chez les femmes. Les cancers de l'endomètre, la muqueuse utérine, du côlon et du sein après la ménopause représentent près des 3/4 de l'ensemble des nouveaux cas de cancer annuels liés à l'obésité chez la femme. Tandis que chez les hommes, les cancers des reins et du côlon comptent pour les 2/3, 66%. Un quart de ces cancers attribuables au surpoids et à l'obésité dans le monde, soit plus de 100 000 cas, auraient pu être évités si les populations concernées avaient simplement conservé leur poids moyen d'il y a 30 ans, d'après les auteurs. Encore une fois, plus de détails sur assemblagerequis.com. Ensuite, l'addiction au café est inscrite dans vos gènes. La génétique pourrait expliquer pourquoi certaines personnes boivent plus de café que d'autres. Des chercheurs européens ont identifié un nouveau gène, le PDSS2, associé à la consommation de café et impliqué dans le métabolisme de la caféine. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde et l'une des principales sources de caféine. Il contient différentes molécules biologiquement actives, donc la caféine, un stimulant, la vitamine B3 et des polyphénols comme l'acide chlorogénique. Différentes études suggèrent que le café protège contre certaines maladies comme l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'Alzheimer, le Parkinson, le diabète de type 2 et certains cancers. Cependant, le café favoriserait aussi les troubles du sommeil. Dans une étude parue dans Scientific Reports, des chercheurs des universités de Trieste en Italie, de Edinburgh en Écosse au Royaume-Uni et de l'aide aux Pays-Bas ont mené une étude auprès d'une population italienne. Ils ont demandé à 1200 personnes quelle était leur consommation de café et ils recherchaient des marqueurs génétiques. Ils ont trouvé que les personnes qui exprimaient plus le gène PDSS2 consommaient moins de café. Les résultats ont été reproduits auprès d'une autre population de 1700 personnes aux Pays-Bas. Le gène PDSS2 contrôle de manière négative l'expression de gènes impliqués dans le métabolisme de la caféine. Ainsi, les personnes ayant des niveaux plus élevés de PDSS2 métabolisent la caféine plus lentement. Elles peuvent donc ressentir les bénéfices de la caféine en buvant moins de café. À l'inverse, les personnes ayant des niveaux plus bas de PDSS2 auraient besoin de boire plus de tasses pour obtenir les mêmes effets. Cette recherche n'est pas la première à relier la consommation du café aux gènes. Une étude parue en 2015 portant sur 120 000 personnes a identifié 6 gènes associés à la consommation de café ou de caféine. On reste dans le domaine des boissons avec une cause biologique à l'alcoolisme. La réduction de l'activité d'une enzyme intervenant dans la communication entre les neurones du cortex préfrontal serait responsable de la dépendance à l'alcool, indique une étude publiée dans le journal Molecular Psychiatry qui pointe ainsi une cause biologique à l'alcoolisme et qui explique les grandes difficultés, voire l'incapacité qu'éprouvent les alcooliques à se libérer de leur dépendance. Les chercheurs qui ont fait cette découverte ont d'abord induit une dépendance à l'alcool chez des rats en les exposant 14 heures par jour à des vapeurs d'alcool, et ce pendant 7 semaines. Tellement gentil. Ils ont ensuite privé ces mêmes rats d'alcool pendant 3 semaines, cruel, et ont alors observé que ces rats étaient devenus alcooliques car ils présentaient différents symptômes d'une dépendance tels qu'un comportement anxieux et une consommation accrue d'alcool lorsque celui-ci redevenait disponible. On rappelle que l'une des régions du cerveau qui contrôle les comportements compulsifs, impulsifs, ainsi que la prise de décision est le cortex préfrontal. Or, c'est justement dans cette région du cerveau qu'on a trouvé la diminution de l'enzyme. Une diminution de l'enzyme PRDM2 dans le cortex préfrontal induirait et contribuerait donc à maintenir un comportement compulsif. C'est une question ici, on se la pose. Chose certaine, quand les chercheurs ont diminué l'activité de l'enzyme PRDM2 dans le cortex préfrontal de rats normaux, ces derniers ont augmenté leur consommation d'alcool, sont devenus davantage prédisposés aux rechutes liées au stress et ont développé ce comportement compulsif qui les poussait à consommer de l'alcool en dépit de son goût repoussant, autant de caractéristiques propres aux rats ayant développé une dépendance. Dans une étude précédente, la chercheuse, la dame dans l'article, a observé qu'une méthylation accrue de l'ADN des rats dépendants à l'alcool. Elle avait également remarqué que quand on inhibait l'enzyme responsable de la méthylation de l'ADN, ces rats retrouvaient un niveau de consommation normal. Or, comme l'expression de PRDM2 est elle-même modulée par des enzymes spécialisées dans la méthylation de l'ADN, en inhibant ces enzymes, on pourrait probablement restaurer les niveaux de PRDM2. Il existe justement des drogues qui ont été approuvées par la FDA, on parle de médicaments ici, qui sont actuellement utilisées dans la recherche sur le cancer, qui pourraient s'avérer une possible voie thérapeutique. Comme ils agissent sur de nombreux gènes, il y a toutefois le danger qu'ils provoquent des effets secondaires. L'étude a été effectuée entièrement chez le rat. Reste à vérifier si le même effet se produirait chez l'humain. Les chercheurs savent toutefois que l'enzyme PRDM2 est fortement exprimé dans le cortex préfrontal de l'humain, même si son rôle n'a été étudié que jusqu'à maintenant que dans les cancers. On commence tout juste à s'intéresser au rôle qu'il joue dans le cerveau. Pourquoi le sommeil favorise-t-il l'apprentissage? Pour bien apprendre, il faut bien dormir. Mais que fait le cerveau pendant le sommeil pour favoriser la mémorisation? Une nouvelle étude suggère que lorsqu'on dort, le cerveau procède à une sorte de réinitialisation du système indispensable aux nouveaux apprentissages. Des chercheurs allemands ont comparé l'activité synaptique dans le cerveau de 20 adultes de 19 à 25 ans après une nuit de sommeil ou une nuit sans dormir grâce à la stimulation magnétique et transcrânienne. En utilisant des impulsions magnétiques sur le cortex moteur visant à stimuler un muscle, ils ont montré que les personnes qui n'avaient pas dormi avaient besoin de moins d'impulsions pour activer leurs muscles. Leur cerveau était plus excitable. Les personnes qui n'avaient pas dormi réussissaient moins bien un exercice de mémorisation. Et ces résultats paraissent dans Nature Communications. L'étude suggère donc que pendant le sommeil, le cerveau réinitialise des connexions entre neurones qui sont encombrés la journée. Cette réinitialisation serait indispensable pour préserver la mémoire et permettre de nouveaux apprentissages. Une nuit sans sommeil empêcherait donc cette réinitialisation. Il y aurait une surcharge d'activité au niveau des synapses, ce qui générerait les apprentissages. Une greffe de tête sur le corps d'un mort. Un patient est volontaire. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero avait affirmé en 2015 qu'une greffe de tête serait réalisable en 2017. Et bien aujourd'hui, un patient russe atteint d'une maladie grave se porte volontaire pour cette opération éthiquement discutable. Valérie Spiridionov, un homme russe de 31 ans souffrant d'une maladie génétique rare et mortelle, la maladie de Verdig-Hoffmann, qui se caractérise par une grave faiblesse musculaire et la dégénérescence des neurones moteurs. Il est volontaire pour fournir sa tête à l'opération envisagée par Sergio Canavero et Xi Jinping, un chirurgien chinois. Ça marche pas du tout, ça sonne avec le chinois. Comme l'explique le neurochirurgien italien, donc M. Canavero, dans The Atlantic, l'opération qui aurait 90% de chances de réussite nécessiterait 80 chirurgiens et coûterait seulement 10 millions de dollars américains. En janvier dernier, les deux médecins ont affirmé avoir réalisé avec succès une greffe de tête chez le singe. Le chirurgien chinois est aussi l'auteur de plusieurs articles décrivant des opérations de greffe de tête chez la souris. Allez voir l'article qui date de 2013 qui en parlait plusieurs détails sur assemblagerequis.com. Maintenant, l'Alzheimer, une percée prometteuse grâce à un nouveau médicament. Un nouvel espoir pour les personnes atteintes de la maladie de Alzheimer apparaît enfin dans les résultats d'une étude clinique qui est publiée dans la revue Nature. Pour la première fois depuis 30 ans, le nouveau médicament en question parvient non seulement à éliminer les plaques de bêta-amyloïde qui empoisonnent le cerveau, mais il réussit aussi à ralentir le déclin cognitif des patients. La communauté scientifique demeure toutefois prudente quant à cette étude que plusieurs jugent préliminaire. Selon l'hypothèse avancée par la majorité des spécialistes, la maladie est induite par l'accumulation dans le cortex cérébral d'une protéine appelée bêta-amyloïde qui est produite dans la membrane des neurones. La bêta-amyloïde produite est normalement détruite par les macrophages présents dans le cerveau ou évacuée dans la circulation sanguine. Mais parfois, cette protéine qui est lipophile, c'est-à-dire qui a une affinité pour les corps gras, reste dans le cerveau, qui contient beaucoup de matière grasse où elle s'agglutine pendant plus de 30 ans. Or, ces plaques de bêta-amyloïde sont très toxiques pour les neurones qui meurent peu à peu. Plusieurs traitements visant à déloger et à éliminer ces plaques de bêta-amyloïde ont été expérimentés au cours des dernières années, mais aucun ne s'est avéré efficace. Certains de ces traitements faisaient appel à des anticorps dirigés contre la bêta-amyloïde, mais la plupart de ces anticorps injectés dans le sang avaient du mal à atteindre le cerveau en raison de la présence de la barrière hémato-encéphalique qui empêche les pathogènes, les toxines et autres substances circulant dans le sang de pénétrer dans le cerveau. Donc, au cours d'une étude de phase 1B, 165 patients ont reçu chaque mois pendant 54 semaines un placebo ou l'une des trois doses d'anticorps aducanumab choisies. Des scalographies du cerveau des participants ont alors montré que plus la dose d'aducanumab administrée était élevée, moins les plaques d'amyloïde étaient abondantes dans le cerveau. Chez les patients ayant reçu la plus haute dose, on trouvait plus aucune trace de la protéine et plus intéressant encore, le déclin cognitif associé à la maladie avait progressé moins rapidement que chez les autres patients. C'est la première fois que l'intervention thérapeutique a un effet à la fois sur la pathologie et sur les symptômes cognitifs. Selon un docteur, professeur et chercheur au département de médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l'Université Laval, ces résultats sont encourageants, mais il faut les considérer avec beaucoup de prudence car les patients n'ont été suivis que pendant un an. Il faudra mener une étude portant sur un plus grand nombre de patients et de plus longue durée avant de pouvoir conclure de l'efficacité de ce nouveau médicament. Or, justement, une étude de phase 3 portant sur 2700 patients débutera très bientôt en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, dont à Montréal. Le volet montréalais sera dirigé par les docteurs Rosanetto et Serge Gauthier de l'Institut Douglas, ainsi que la docteure Angela Genge de l'Institut neurologique de Montréal. On dit que c'est un peu inhabituel qu'on passe de la phase 1B à une étude de phase 3. J'imagine parce qu'il doit y avoir une phase 2 quelque part là-dedans. Mais ça s'explique par le fait que les résultats étaient très solides et enthousiasmants et que le traitement s'est avéré sécuritaire. Travaillez moins pour sauver la planète. La réduction du temps de travail aurait un impact positif sur l'environnement, moins de pollution, moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des habitants moins stressés. C'est comme ça qu'une semaine de 4 jours pourrait sauver la planète. Plus de temps libre avec la famille, les amis, pour faire du sport, se reposer, peu importe. En plus de rendre la vie quotidienne plus agréable, les fêtes de semaine de 3 jours pourraient être une solution pour réduire l'impact de l'homme sur l'environnement. En tout cas, c'est l'avis de Alex William de la City University de Londres qui décrit dans The Conversation l'intérêt environnemental de la semaine de 4 jours. Le sociologue qui est affilié au Parti travailliste cite des travaux scientifiques à l'appui de sa thèse. En 2006, les économistes David Roenick et Mark Weisbrot ont montré comment la réduction du temps du travail permettait de réduire sensiblement la consommation d'énergie. D'après eux, si les Américains travaillaient moins, donc au même niveau que les Européens, ils utiliseraient 20% d'énergie en moins. Si en 2000, le temps de travail aux États-Unis avait été le même qu'en Europe, les émissions de CO2 américaines auraient diminué de 7% par rapport à 1990, soit l'objectif fixé à Kyoto. Et si le monde entier travaillait au même niveau que les Américains en 2050, ça augmenterait encore les températures de 1 à 2 degrés Celsius sur la planète. Une semaine de 4 jours, donc, signifie moins de transport pour aller travailler, moins d'énergie consommée sur le lieu de travail, en éclairage, air conditionné, informatique. L'expérience a déjà été faite en 2007 dans l'État de l'Utah, qui avait réorganisé la semaine des fonctionnaires en rallongeant les journées de travail du lundi au jeudi et en supprimant le vendredi. En 10 mois, l'État a économisé 1,8 million de dollars en énergie. Comme les fonctionnaires restaient chez eux un jour de plus par semaine, l'État a évalué à 12 000 tonnes de CO2 l'économie réalisée par un an en émissions de gaz à effet de serre. Mais l'expérience a été abandonnée en 2011 pour permettre aux habitants d'avoir à nouveau accès aux services les vendredis. Et, hein? Et ben. Travailler 4 jours, est-ce viable? C'est pareil comme la fête du travail, tu sais. On l'a dit récemment ici à C'est Fou, c'est la fête du travail, c'est la fête pour les employés de bureau qui peuvent prendre congé et aller se faire servir par le reste qui sont pas les employés de bureau qui, eux, doivent travailler le vendredi, la fête du travail, pareil. Bref, travailler 4 jours, est-ce viable économiquement parlant? Eh bien, Alex Williams cite les travaux d'un anthropologue, David Graeber, qui suggère que beaucoup de salariés sont sous-utilisés sur leur lieu de travail. Il y aurait beaucoup d'heures de présentéisme, oui, des heures où tu fais juste avoir l'air de travailler. Peu productif, donc. De plus, le développement de l'automatisation de la robotique pourrait faire gagner beaucoup d'heures de travail humain et donc de permettre de réduire le temps de travail. Peut-on produire du carburant avec du sable? La production d'énergie solaire est intermittente. Une solution pour résoudre ce problème serait de le stocker sous forme de carburant tout en réduisant les émissions de CO2, voire la quantité de celui contenu dans l'atmosphère. On reste dans le même domaine, hein, vous l'avez vu. Les chimistes canadiens sont sur une piste prometteuse à partir du silicium qu'on peut trouver dans le sable. Bien que le taux de natalité de l'humanité se soit plutôt stabilisé, comme l'explique dans ses célèbres vidéos le médecin et statisticien suédois Hans Rosling, la population humaine va encore croître. D'ailleurs, celle d'aujourd'hui a déjà besoin de consommer encore plus d'énergie pour accéder ou se maintenir à un niveau de vie, d'éducation et de santé acceptable. Cependant, prise en tenaille par le réchauffement climatique, elle va être contrainte de réduire sa consommation d'énergie fossile. Il est probable que les énergies renouvelables ne puissent pas prendre le relais à temps à moins d'entreprendre des travaux de géo-ingénierie douteux, les seules solutions restantes avec le nucléaire semblent être la séquestration géologique du carbone après capture en sortie d'usine et la production de carburant à partir de gaz carbonique atmosphérique, car on va continuer d'exploiter le pétrole et le charbon. Ces deux dernières options n'ont rien d'évident, mais différents laboratoires y travaillent, comme le prouve par exemple une publication dans le journal Nature Communications d'un article provenant d'une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto. À l'idée de base de pouvoir produire de l'énergie tout à la fois avec le rayonnement du soleil et à partir de matériaux abondants, respectueux de l'environnement, peu coûteux et facile à mettre en œuvre. En l'occurrence, il s'agit du silicium qu'on retrouve en abondance dans la croûte terrestre et bien sûr dans le sable. Les chimistes canadiens ont ainsi étudié dans leurs travaux la capacité de nanocristaux de silicium hydrogéné à pouvoir briser les molécules de gaz carbonique en absorbant de l'énergie solaire dans les bandes de longueur d'onde de l'infrarouge et de l'ultraviolet. En passant du dioxyde de carbone, le CO2, au monoxyde de carbone, le CO, on obtient un composé chimique très réactif qui peut rentrer dans différentes voies de synthèse, en particulier de molécules carbonées comme le méthanol et donc dans la production de carburant. Les résultats des chercheurs de l'Université de Toronto sont déjà suffisamment encourageants pour leur permettre de dire qu'ils ont trouvé un processus prometteur de conversion de toutes les émissions en gaz carbonique de l'industrie et donc probablement aussi du CO2 contenu dans l'atmosphère. Pour produire des carburants, on aurait ainsi un outil pour tenter de construire un cercle vertueux avec un bilan carbone neutre. En effet, les émissions de carbone dans l'atmosphère en brûlant ces carburants pourraient être contrebalancées en recapturant ce carbone. Cela reste donc à voir, car il reste encore à augmenter le rendement obtenu et à faire le test avec une petite unité de production exploitant l'énergie solaire. Voilà. Un textile maintenant révolutionnaire qui pourrait remplacer l'air climatisé. Des chercheurs de l'Université de Stanford ont mis au point un textile à partir d'un film polyéthylène qui est capable de refroidir le corps avec une efficacité inédite. Selon eux, ce matériau pourrait servir à créer des vêtements grâce auxquels nous pourrions supporter la chaleur sans recourir à un ventilateur, voire même à l'air climatisé. Enfiler un vêtement pour ne pas avoir chaud en plein été, l'idée paraît curieuse de prime abord, nous dit Futura Tech. Pourtant, c'est bien ce que nous promet une équipe de l'Université de Stanford aux États-Unis qui travaille sur un matériau étonnant capable de refroidir le corps de plusieurs degrés Fahrenheit. Son efficacité a été comparée à celle d'un tissu en coton. Selon les tests effectués, la différence de chaleur ressentie entre un vêtement fait à partir de cette matière plastique et un vêtement de coton d'une épaisseur équivalente avoisinerait 1,5 degrés Celsius. Les chercheurs de Stanford estiment même que ce nouveau type de tissu pourrait permettre aux personnes vivant sous des climats chauds de se passer d'air climatisé ou tout de moins de l'utiliser seulement en cas de température très élevée. Le matériau dont il est question a deux propriétés essentielles qui lui confèrent sa capacité de refroidissement. Il favorise l'évaporation de la transpiration, ce que font déjà les tissus classiques, mais son secret réside dans sa capacité à dissiper la chaleur émise par notre corps. C'est ainsi qu'on peut se réchauffer l'hiver en nous enveloppant dans une couverture ou en portant un vêtement qui va piéger ce rayonnement thermique, aussi appelé un rayonnement infrarouge. Au contraire, lorsque la température augmente, cette chaleur devient désagréable. C'était publié dans la revue Science en passant, cette histoire-là. Pour fabriquer leur textile, les scientifiques de Stanford ont eu recours au polyéthylène qui est employé dans la fabrication des batteries. Celle-ci offre le double avantage d'être opaque à la lumière, visible tout en laissant filtrer le rayonnement infrarouge. Ce polyéthylène a reçu un traitement chimique afin de favoriser l'évaporation des molécules de vapeur d'eau à travers les nanopores du film plastique. On obtient donc un matériau respirant. Pour se rapprocher le plus possible de la solidité et l'épaisseur de tissu classique, les chercheurs ont eu l'idée d'intercaler du coton entre deux films polyéthylène. Toutefois, Futura Science a pu confirmer auprès de Po Chun Su, l'un des membres de l'équipe, que le matériau n'a pas encore été testé sur la peau humaine. Par ailleurs, il n'existe pour le moment aucun prototype de vêtements complet basé sur cette innovation. Les travaux vont se poursuivre afin notamment de pouvoir décliner les teintes des couleurs, les textures et d'autres caractéristiques susceptibles de s'approcher au plus près d'un textile classique. On indique qu'aucun projet commercial n'était à l'ordre du jour pour le moment. Il faudra patienter encore avant de pouvoir couper la climatisation. Et finalement, dans le domaine toujours des matériaux, le plastique est mort. Vive les caséines! Le pétrole a plutôt mauvaise presse en ce début de 21e siècle, nous dit branchez-vous.com. Souvent décrit comme la source de tous les maux, il est encore parfois difficile de lui trouver un remplaçant pour certaines de ses applications. Mais les chercheurs comptent bien lui faire la peau une bonne fois pour toutes. Lorsqu'on parle de pétrole, on pense tout de suite à l'automobile, aux autres moyens de transport et éventuellement aux centrales électriques. Trop souvent, on oublie que bien des objets de notre environnement en sont issus, principalement ceux faits de plastique. Pour ceux qui l'ignorent, des plastiques sont issus du pétrole. Mais peut-être pas pour longtemps, nous dit branchez-vous. En effet, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est une équipe de chercheurs du département de l'agriculture des États-Unis qui vient de dévoiler une membrane constituée de protéines de lait, les caséines. Pareil comme dans les yogourts, là. Ce sont elles qui constituent la majeure partie des composants azotés du lait et qui transforment en fromage par précipitation lors d'ajout d'acide ou de présure. Elles tiennent d'ailleurs leur nom du mot latin caseus qui signifie fromage. Tandis que les premiers essais révélaient des problèmes de rigidité et de solubilité trop rapide dans l'eau, les chimistes ont finalement réussi à obtenir un film protecteur solide et souple en y ajoutant de la pectine d'agrumes. En bref, rien que du naturel. Selon une des scientifiques du service de la recherche de la USDA, on confirme que ce nouvel emballage pourrait remplacer aisément le plastique et être utilisé tout le long de la chaîne de distribution afin d'éviter le gaspillage. En effet, la plastique est utilisée à toutes les sauces lorsqu'il s'agit d'alimentation, que ce soit pour l'emballage ou même pour en faire des ustensiles et autres contenants de stockage. Le plastique a peut-être donc enfin trouvé son remplaçant. Les caséines offrent donc une réelle alternative au plastique d'emballage, en disposant de pores plus petits que ceux du plastique. Cette nouvelle pellicule bloque l'oxygène 500 fois mieux que son rival, tout en étant biodégradable mais aussi comestible. C'est en effet l'oxygène qui gâche le plus souvent la nourriture et cette nouveauté pourrait prolonger la durée de vie des aliments, éviter de nombreux gaspillages et la fameuse réflexion « Oh non, on peut plus manger, c'est passé la date ». Comme dit l'article. À titre de rappel, on jette en moyenne au Canada 183 kg de nourriture par année par habitant, soit environ 0,5 kg par jour. Non contente de remplacer efficacement les plastiques d'emballage, cette matière pourrait aussi grandement aider à diminuer le volume de produits à recycler et à enfouir dans les décharges. Chaque jour, on jette presque 3 fois plus d'emballage que de nourriture, soit plus d'1 kg. Ça représente des chiffres colossaux sur un an, soit plus de 400 kg de déchets par habitant. Sur cette masse, seuls 25% en moyenne sont récupérés ou recyclés, tandis que plus de 50% d'entre eux sont des plastiques. Alors que les chercheurs se cassent la tête à essayer de trouver des solutions pour récupérer les plastiques qui seront bientôt plus nombreux que les espèces marines dans l'océan, d'autres s'attaquent à la source du problème. L'article dit « Pensez-y la prochaine fois que vous utiliserez un sac plastique pour 20 minutes, alors qu'il prendra entre 100 et 400 ans à se dégrader au point de disparaître. » Mais la beauté de cette découverte est qu'elle ne se limite pas au remplacement des plastiques eux-mêmes, puisqu'elle peut aussi se présenter sous la forme d'un liquide qui peut être pulvérisé. Ainsi, plutôt que d'utiliser du sucre, par exemple, pour que les céréales conservent leur croquant, les manufacturiers de l'agroalimentaire pourront aisément le remplacer par cette substance, rendant le tout plus santé. Malheureusement, les humains étant ce qu'ils sont, les chercheurs s'attendent à ce que l'emballage extérieur ne soit pas fait de cette matière, car elle est comestible. Elle permettrait donc à n'importe qui de prendre une bouchée à même le produit emballé et causer donc des pertes aux commerçants. L'avantage de cette découverte est qu'elle a été réalisée au sein du département de l'agriculture aux États-Unis et que du coup, elle pourrait être plus rapidement poussée sur le marché en passant les réglementations mises en place par le département lui-même. Il ne reste plus qu'à espérer que les lobbies du pétrole et des plastiques ne mettent pas leur nez dedans et relèguent aux oubliettes cette découverte qui pourrait nous faire économiser des millions de tonnes de déchets dans nos décharges, mais surtout dans nos océans. Encore une fois, un article de branchez-vous.com. Voilà, c'est tout pour la chronique Merci Science. Il nous reste encore un petit bloc de CNX à faire. Alors, on va parler de technologie, de science et de jeux... d'informatique et de jeux vidéo. Mais avant ça, une pièce de Hana Managuchi. On a fini l'émission d'il y a 2 semaines avec une pièce de Hana Managuchi refaite à l'accordéon. Cette fois-ci, c'est juste un remix. Ça s'appelle Prom Night, c'est le nom de la chanson. Lindsay Lohan, de remix, comme dans Lohan, comme dans... En bas, là. Lohan, comme le côté le plus bas. Donc, Hana Managuchi, Prom Night, Lindsay Lohan... Remix tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Capable d'en choisir des bonnes chansons aussi. C'est donc, c'était PPCC Go Go Destroy Remix. C'est une pièce par Slime Girls. Donc, un remix par Slime Girls, une pièce d'un groupe japonais qui s'appelle BIS, la pièce PPCC. Alors ça, c'était Prom Night, Lindsay Lohan remix par Anna Maniguchi featuring la voix de Bianca Raquel. Au Mathieu Plancheau, maintenant, c'est une version particulière de Cynix. Cynix, la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Cette semaine, on va pas mal abréger ça. Abréger, le verbe? Abréger, abrévier, abréger, abréger, abréger, bien sûr. Évidemment, tout le monde sait ça. On va parler seulement de ce qui s'est passé chez Apple aujourd'hui. Donc, on est en direct mercredi le 7 septembre 2016. Et puis, cet après-midi, évidemment, en Californie, c'était l'annonce des nouveaux produits. Et comme je suis un gars d'Apple, je couvre ça parce que Colin, c'est mon émission. Il y a mon nom dessus. Apple a donc révélé le iPhone 7 résistant à l'eau avec une puce A10 Fusion, une nouvelle couleur genre piano noir de jet, caméra mise à jour, t'as aussi pas de prise d'écouteur, hein? Comme on s'y attendait, pas de prise d'écouteur, c'était la rumeur depuis des mois et maintenant c'est définitif, il n'y aura plus de prise d'écouteur sur les iPhones. Donc, commençons par le fait que le processeur va être A10 Fusion A10 Fusion avec 64 bits, 4 cœurs, des haut-parleurs stéréo positionnés d'un côté et de l'autre de l'appareil, donc en haut et en bas. T'as aussi le bouton d'accueil qui, à la place d'être un vrai bouton cliquable comme j'aime tant, va être maintenant un bouton flush avec l'écran, donc tu ne le sentiras pas quand tu passes ta main dessus. Et quand tu vas cliquer, entre guillemets, ça va te faire un peu comme sur le MacBook, une sensation de clic. C'est ce qu'ils font sur le trackpad du MacBook. Tu as l'impression que ça descend, mais ça ne descend pas physiquement. C'est quand même intéressant comme technique. Ils appellent ça le Taptic Engine. C'est un peu la même chose qu'ils font sur la Apple Watch aussi, là, pour te faire sentir des vibrations. T'as le standard IP67, donc ça résiste à l'eau et à la saleté, à la poussière, à tout ça. Mais comme je sais, pas de prise écouteur. En fait, les écouteurs EarPod qui venaient déjà avec l'iPhone vont maintenant être en prise Lightning. Comme les rumeurs le disaient, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui n'avait pas fuité. Donc ça va venir avec un fil avec une prise Lightning. Et il va y avoir aussi dans l'emballage un adaptateur de Lightning à prise 3 mm et demi. 1/8 de pouce, comme on appelle, pour pouvoir brancher vos écouteurs de d'autres marques. Si vous voulez pas payer pour, attention, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Des nouvelles écouteurs avec Siri qui vont s'appeler les AirPods, les écouteurs Bluetooth, qui vont se vendre 160$ américains, donc probablement 200$ canadiens à partir du mois d'octobre. Wow, une chance que l'adaptateur pour pouvoir payer ça, tout le monde. L'iPhone 7, évidemment, une meilleure caméra, 12 mégapixels, plus efficace énergie. Donc ça, c'est la caméra qui pointe vers pas l'écran pour prendre des vraies photos, avec stabilisation d'image des deux côtés. Avant, c'était seulement l'iPhone 7, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6 Plus qui avaient la stabilisation d'image. Maintenant, c'est l'iPhone 7 petit qui va l'avoir aussi. T'as, bon, les trucs de photos, je connais rien, les apertures, je connais absolument rien, mais t'as un nouveau truc pour compenser pour la lumière artificielle, quelque chose comme ça. T'as un flash avec 4 lumières LED, des trucs comme ça. T'as aussi une caméra 7 mégapixels qui va être FaceTime HD pour pouvoir prendre de meilleures selfies. 7 mégapixels, ça commence à être quand même considérable. Et là aussi, tu as la stabilisation d'image que tu n'avais pas avant sur la caméra FaceTime. L'iPhone 7 Plus va se différencier. Évidemment, comme tous les fans d'Apple, j'aurais aimé que l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus soient pareils, sauf pour la taille de l'écran. Mais non, Apple veut vraiment, vraiment que tu achètes le plus. C'est probablement ce que je vais devoir faire. Donc, l'iPhone 7 Plus, qui se différencie de l'autre, non pas juste par l'écran, mais par l'appareil photo beaucoup plus avancé avec un wide angle lens, donc une lentille large avec un téléphoto qui combine un zoom optique de 2x, donc tu peux zoomer deux fois sur la photo de façon optique et non pas virtuelle. Donc c'est pas étirer la photo comme dans un fichier Photoshop, c'est vraiment d'approcher la lentille pour voir de plus près physiquement. Tu perds pas de qualité et tu peux aussi aller en 10 fois avec le zoom numérique sur l'iPhone 7 Plus, mais pas sur l'iPhone 7 tout court. Donc une caméra dual lens capable de produire de la profondeur de champ, le depth of field, à la main. Donc tu peux vraiment choisir pour que ton élément principal, ta personne que tu prends en photo, soit clair et proche, et le fond va être vraiment un beau flou comme on voit dans les photos professionnelles, là. Ça c'est vraiment beau, donc sur l'iPhone 7 Plus seulement. C'est fait d'aluminium avec une pomme en stainless steel à l'ancien inoxydable. Ça vient avec une nouvelle couleur, donc noir de jet comme la GameCube dans le temps, un genre de noir shiny, un peu comme un piano. T'as aussi le black normal, donc t'as un black noir foncé, un noir mat. Absolument, un noir mat qui pour moi est beaucoup plus beau. Là, c'est comme la différence entre l'ancien inoxydable et le Colin de chrome affreux. Hein. Tu sais, le chrome, moi, c'est lettre, le chrome, c'est des toasters chrome. Hein. Les pédales de truck chrome, je décide. Bref, le noir de jet, moi j'aime pas ça non plus, mais il va y avoir ça de disponible comme nouveauté, en plus du donc noir tout court, mat, le argent, le doré et le rose doré, ou rose doré ou or rosé, en tout cas ce que vous voulez. Les antennes ont changé de place aussi. Bon, vous avez sûrement vu dans les photos sur internet que les lignes, à la place de passer directement de bord à l'autre du téléphone, font une petite courbe pour passer par-dessus pour pas que le dos est de bord du tout. Donc le derrière est complètement plat. Sinon, il y a les boutons de volume. Détail très important. À la place d'être renfoncés dans le téléphone, sont directement sur le bord du téléphone. Révolutionnaire pour les boutons au volume, là, incroyable. Les deux appareils vont avoir 25% de meilleure de luminosité. Ça va être plus brillant sur l'écran Retina. Plus de couleurs aussi. Meilleure gestion des couleurs et 3D Touch. Tout est là. L'audio est amélioré avec de nouveaux haut-parleurs. Le volume va aller plus haut et il y a un meilleur dynamic range dans le son. Sinon, bon, le processeur 40% plus rapide, 50% plus rapide côté graphisme, meilleure efficacité. Les deux viennent avec une meilleure durée de vie de pile, meilleure sans fil, meilleure résistance à l'eau. Donc, on peut avoir du splash d'eau et même de courtes périodes d'immersion dans l'eau complètement. Les précommandes commencent vendredi, le 9 septembre. Ça va être disponible dans 25 pays à partir du 16 septembre. J'imagine que les prix en dollars canadiens ont été mis sur le site d'Apple depuis les dernières minutes parce que tantôt, ils ne l'étaient pas quand j'avais vérifié. Donc oui, le site est déjà sur la page d'accueil. Là, c'est évident qu'aussitôt que c'est annoncé, ils ont appuyé sur le bouton. Modèle et prix pour aller voir pour le iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus qui sortent bientôt. Pendant que la page se charge, je vais vous dire que ça va être disponible. Ça va être disponible, c'est ça, comme je disais, le 16 septembre. J'avais déjà dit, finalement, ça. J'avais déjà dit. Les précommandes vont commencer au Canada aussi, en passant à 00h01, heure du Pacifique, donc ça veut dire 3h01 du matin, le 9 septembre. Le iPhone 7 avec 4,7 pouces, à partir de 900$ canadiens pour le modèle de 32 Go. Dorénavant, les modèles vont faire 32... 128, 256 au lieu d'avoir 16, 64 et 128. Donc, on enlève le plus petit à 16, mais on enlève aussi le milieu raisonnable de 64. On l'augmente, lui, à 128. Je ne suis pas un fan de ça. J'aurais préféré 32, 64, 128, 256. Mais bon, ou encore, j'aurais préféré encore plus une slot pour la carte SD. Mais bon. iPhone 7 Plus, 5,5 pouces avec 1049$ canadiens. Ça, c'est sans compter le Apple Care. La garantie, prenez-la, s'il vous plaît. Ensuite, toujours dans les nouveautés d'Apple, on parle aussi de la Apple Watch Series 2. Dorénavant, l'ancienne Apple Watch s'appelle la Series 1 et maintenant la nouvelle, c'est Series 2. Lors de leur événement, ils ont annoncé ça. Confirmant les rumeurs, la plupart des rumeurs, on peut aller nager facilement avec maintenant parce qu'on peut descendre jusqu'à 50 mètres. On va pouvoir porter l'eau avec porter la montre avec confiance dans l'eau. On a aussi confirmé qu'il y a un GPS intégré, donc on va pouvoir avoir les distances parcourues plus facilement sans avoir tout le temps à être avec votre iPhone présent dans votre poche. On a focusé sur le fitness lors de l'événement aussi. On dit que bon, ils ont développé un paquet de nouveaux algorithmes là, pour compter les tours de piscine, etc. etc. Grâce au GPS, on peut enregistrer la distance, le rythme, peu importe ce que vous faites en activité. Et ça va aussi vous permettre de plonger dans les détails plus en profondeur après avoir terminé votre séance d'entraînement. Dual Core pour le processeur, nouvelle puce S2 de deuxième génération. 50% plus rapide que la première génération, même avec la plus récente mise à jour. Nouveau GPU pour les graphiques, le graphisme améliore la performance graphique en général de l'appareil. L'affichage deux fois plus brillant, pareil comme l'iPhone, on dit 1000 nits, comparé à la première Apple Watch, donc plus facile à lire au soleil. En plus d'avoir les modèles en aluminium et en acier inoxydable comme la dernière fois, la compagnie présente un nouveau modèle en céramique, la Apple Watch Series 2 céramique, qui ressemble un petit peu à une perle, c'est un genre de blanc doux. Apple a montré aussi les nouveaux bracelets Hermès et des versions différentes de leurs bracelets. Évidemment, les prix, les prix spécifiques et les bracelets n'ont pas encore été révélés, mais la compagnie a confirmé que la Apple Watch Series 2 va commencer à 369$ et la version céramique va commencer, c'est pas mal moins cher que la version en or la dernière fois, à 1249$. Les précommandes commencent le 9 septembre, pareil comme l'iPhone, et le lancement officiel est aussi le 16 septembre. La Apple Watch Hermes commence à 1149$ et la Apple Watch nouveau modèle Nike Plus à partir de 369$. Ça va être envoyé au mois de d'octobre. Et à partir du vendredi 16 septembre, l'Apple Watch Series 2 va être disponible entre autres au Canada, parmi d'autres pays. Petite note aussi, comme je l'ai dit tantôt, la première génération va changer de nom pour Series 1, va avoir des modèles qui vont commencer beaucoup moins cher. Pour ceux qui s'intéressent d'embarquer dans le modèle, dans la mode des montres intelligentes, ça va baisser à 269$ américains. Évidemment, les prix que je vous dis là sont américains parce que mon article est américain. Les articles canadiens ont tendance à prendre plus de temps à arriver parce que, Caroline, on est pas mal en retard sur tout. Mais je vais aller voir sur la page d'Apple pour voir les prix pour vous en temps réel pendant que je vais vous dire que tout à l'heure, on va parler des nouveaux écouteurs à Apple aussi qui s'en viennent. Donc, Apple Watch Series 2, précommande, comme je disais, le 9 septembre pour le 16 septembre. Si je clique sur les prix, ah ouais, plus vite que ça, plus vite. Il reste 3 minutes à l'émission. Ah oui, et non. Caroline, que c'est non. OK. On va l'avoir. Est-ce que je l'ai? Oui. C'est la série 2, oui. À partir de... Ça bug trop long. J'abandonne ou j'abandonne pas? J'ai pas la patience pour ça. Si vous prenez le 38 mm de diagonale, c'est 359$ et le 42 mm, 399$ canadien. Voilà qui est dit. fallait que ça se dise, ces affaires. Et finalement, ben, les AirPods, là, quelque chose qui va me tomber les oreilles aussi que je vais y mettre parce que ça tient pas dans mes gros trous d'oreilles de monstre. À part d'annoncer les nouvelles AirPods Wireless avec 5 heures de musique et de son de haute qualité via une connexion seamless et automatique. C'est vraiment cool, par contre, comme façon de connecter votre appareil. Les AirPods ont un étui rechargeable qui vont vous donner jusqu'à 24 heures de durée de vie de pile. C'est ça. Les AirPods se connectent donc instantanément avec un seul tap dessus, un tap and switch entre les appareils qui sont connectés à votre compte iCloud et les écouteurs. La lecture est contrôlée par un sensor dual optical qu'on dit, qui sait lorsque tu écoutes et va faire pause automatiquement lorsque tu enlèves les écouteurs. Quand même cool. Double tap sur l'écouteur pour amener Siri, qui va permettre de contrôler votre musique, sélectionner les chansons, changer de volume, vérifier la batterie, performer d'autres tâches. Tout ça permis par une puce à l'intérieur, une puce Apple W1, qui livre aussi un meilleur rendement sonore. Chaque AirPod a un accéléromètre additionnel qui détecte si l'utilisateur parle, alors que le microphone qui est formé en genre de cône va focusser le son sur la voix de l'utilisateur et va filtrer les bruits extérieurs. Donc, il y a quand même beaucoup de technologie. C'est pour ça que ça vient avec le prix de 160$ américains. Les AirPods viennent avec un câble Lightning pour charger dans l'étui. Ça va être disponible à la fin du mois d'octobre en magasin et en ligne. Ça demande des appareils iOS avec iOS 10, watchOS 3 et macOS Sierra. La compagnie a aussi montré leur nouvelle paire de AirPods normales, celles qui vont venir dans la boîte avec le iPhone. Il y a aussi, comme on disait, l'adaptateur vers les écouteurs, donc Lightning vers 3,5 mm. Voilà pour les nouveaux produits Apple, en bref, en très très bref. Colin, je pense que ça va nous amener presque à la fin de l'émission. Est-ce que la prochaine tune que je vais mettre va être assez longue pour finir l'émission? Je pense que oui, sinon j'en mettrai deux. Mais voilà, c'est tout pour le Mathieu Plante Show pour cette semaine. J'en suis désolé. Mes excuses les plus sincères à vous et à votre mère. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky en direct les mardis de 14h à 17h. Ainsi que la plupart des... le baseball. J'ai même pas changé mon intro. J'ai plus de baseball. On continue de jouer un peu, mais il n'y en a plus de baseball. Consultez la programmation complète sur CIF.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balles de diffusion sur assemblagerocky.com de la part de toute l'équipe utile du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante et vous avez été plantés. Bye bye.